Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, Père. Amen, bien-aimé. Je sois loué. Oui, frère, il y a une question. Le nom du Judas Iscariot, oui, dans le livre des Juifs. Oui. Mais quand il était sous la perdition, son nom a nécessairement été effacé bien après. Où est la maman de cet enfant? Elle a des pleurs, sa personne peut s'occuper de lui, parce que sa maman qui vient s'occuper. Oui, frère, la question tu dis? Judas Iscariot, son nom était écrit dans le livre des Juifs. Oui. Mais après, quand il était sous la perdition, son nom a été retranché. Oui. Donc, je me demande. Pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, oui, à quel moment est-ce que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie? Bonne question. Écoutez-vous de cet enfant. Prenez-le donc comme devoir, prenez les versets. Notez, vous allez travailler avec ça. De quoi, samedi, s'il plaît, on va, je vais finir dans ce devoir, dans les versets qu'il va vous donner maintenant. On va travailler dedans. Prenez, si il lit les versets en série, il dit ça et ça. Donc vous prenez ensemble. Donc ça veut dire travailler les versets ensemble, d'accord? S'il passe au suivant, les versets se suivent. Donc c'est dit A et B. Donc vous comparez A et B. C et D, C et D, d'accord? Donc vous donnez 2 à 2. Prenez Colossiens, vous y êtes, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Versets 12 et 13. Donc, je finis de donner ces versets parce que c'est ça, travaille ta question. Et je vais répondre sommairement et puis on va revenir dans ces versets-là. Donc, Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. Et Actes des Apôtres, chapitre 26. Vous avez noté, donc maintenant, notez 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Vous y êtes. Donc, je suis au deuxième niveau maintenant là. Et ce que j'ai donné en haut là, c'est entre ce pouce-là. Vous y êtes. 1 Jean chapitre 5 verset 19 et Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2 verset 14 à 18. Le verset c'est pas terminé, il y a un troisième. Apocalypse chapitre 1 verset 18. C'est pas terminé. Colossiens chapitre 2 verset 14 et 15. C'est pas terminé. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. Voilà. Voilà pour le travail. Donc vous allez lire, quand vous allez lire les versets, vous les lisez bien, vous allez comprendre quelle est la question que vous allez poser derrière. Et samedi, on va développer cela. Donc, ta question, c'est celle-ci. Judas Iscariot, son nom a été écrit et ça a été effacé. La question, c'est à quel moment, lorsque les gens acceptent le Seigneur, à quel moment le nom sont écrits? À quel moment le nom de Judas, lui, l'a été écrit? Frère Yannick, pour toi, a été écrit à quel moment? Donc, à quel moment les noms sont écrits? Donc, à quel moment donc, les noms sont écrits? Il avait écrit le nom. C'est vrai ça, frère. Qui est d'accord avec lui? Qui est d'accord avec lui? Qui n'est pas d'accord? Ceux qui n'ont pas. Il n'y a pas de neutralité là. D'accord. Ok. Qui sont ceux qui sont d'accord avec lui? Lève la main. Donc vous jouez à quoi d'abord? Donc vous devez seulement suivre parce que c'est la majorité maintenant. Frère, les noms sont écrits avant la fondation du monde. Si j'avance, ça va me pousser à entrer dans ces versets-ci. Donc on va entrer, on va développer cela. Développer cela samedi, d'accord, si Dieu permet. C'est comme toutes les autres choses. Quand vous venez, vous dites, je suis à Christ. Quand tu es sauvé, est-ce que Christ n'est pas mouru à la croix? Il dit, quand tu dis que tu es sauvé, nous sommes en 2015 là maintenant, n'est-ce pas? Si quelqu'un est sauvé aujourd'hui, est-ce que c'est 16 jours, si cette année que Christ est mort à la croix pour lui? Il est mort depuis 2000 ans. Donc, dans ce cas, en quel moment donc, celui-ci a été sauvé? Vous suivez ça? Il dit ceci. Il y a des gens qui seront sauvés en 2015. Si le Seigneur ne vient pas en 2016, les gens seront encore sauvés. C'est-à-dire que quelqu'un est bandit là dehors, il marche, il voit en boîte de nuit. Un de ces jours, il dit que je me suis repenti, il ne vit plus comme ça, juste parce que le péché quitte sa vie. Il dit, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as sauvé. Est-ce que quand il fait cette confession-là, c'est à ce moment que Christ est mort à la croix? Christ est mort à la croix quand? 2000 ans. Donc, depuis les 2000 ans, jusqu'à 2000, quelque chose que le type là, il vivait de la fornication, masturbation, pornographie, bien, ainsi de suite. Les femmes à gauche et à droite. Il était sauvé en réalité, oui ou non? Oui. C'est ici qu'on touche le mot où ça secoue vraiment les gens. C'est ici qu'on touche là où l'évangile secoue. En réalité, il était sauvé, mais il ne s'était pas seulement, il s'était pas rendu compte. En 2016, là, lorsqu'il va venir, il réalise seulement. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas le choix que d'accepter que les noms sont écrits avant la fondation du monde, parce qu'il n'y a pas deux façons. Les noms sont écrits avant. Donc, s'il est sauvé, son nom était écrit d'avant. Il ne savait pas seulement. Le moment où Dieu a demandé qu'il entre, est venu, il est entré. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans Jean chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis. Donc, ce sont ces brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, elles se sont éloignées. Elles entendront la voix, elles viendront. Waouh! Si vous suivez les paroles de notre Seigneur, quelque chose ne vous fait pas, votre esprit, votre âme ne bouge pas dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. J'ai encore d'autres brebis. Donc, ce sont ces brebis. Après, celles qui sont devant elles, devant lui, il dit, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, celles-ci ne peuvent pas entrer. Il dit que celles-là, elles entendront ma voix, elles viendront. Il y aura un seul troupeau. Gloire à Dieu. Mm-hmm. Donc ça, quand quelqu'un est sauvé, c'est pour cela que lorsqu'on n'a pas compris vraiment les profondeurs de l'évangile, on va croire peut-être souvent que tu as des blasphèmes. Parce qu'en réalité, le jour où tu es sauvé, ce n'est pas là. Souvenez-vous de ceci, regarde par exemple, je prends le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était pharisien. Il est en train de persécuter l'église. Mais après, quand il entre dans la réalité, il dit que mais lorsqu'il plut à ceux qui m'avaient mis à part, donc il avait été mis à part, mais il persécutait la même personne là. Quand il a révélé, il a ouvert les yeux, il dit qu'est-ce qu'ils sont de fait depuis. Mais il se rend compte que c'est depuis la naissance, avant qu'il ne soit conçu dans le ventre, qu'on l'avait mis à part pour être apôtre. Mais c'est terrible, pas vrai? Maintenant, regardez bien, suivez attentivement. C'est Paul-là qui avait été mis dès le départ. Il a fréquenté d'aller à Gamal, embrouiller ses cerveaux. Ils ont embrouillé son cerveau. Il ne savait pas qu'il avait été appelé pour être apôtre, pas vrai? C'est ça, n'est-ce pas? Un de ces jours, il se rend compte et qu'il est apôtre. Après, un de ces jours, il se rend compte qu'il a été crucifié avec Christ. À quel moment avait-il été crucifié avec Christ? À quel moment? Est-ce que quand il a fait ça, est-ce que Christ est encore allé avec lui à le clouer? Christ l'avait crucifié, il n'était pas conscient. Il l'avait crucifié, il n'était pas conscient. C'est ainsi tous ceux qui sont sauvés. Vous allez monter, vous allez descendre, personne ne peut plus jamais être ajouté au corps de Christ. Tous ceux qui sont sauvés l'ont été avec Christ à la croix. Un point, un trait, si quelqu'un ne veut pas comprendre, qu'il ne comprenne pas. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit à moi. Donc, si tu avais été crucifié avec lui, tu vas vivre conformément à sa vie. Si le jour qu'il allait à la croix, tu n'étais pas parmi le nombre, oublie. D'accord, frère? Donc, il y a des choses dans la Bible. Je prends un exemple. Je crois que cet exemple, j'en ai appris ici plusieurs fois. C'est comme un enfant, celui-ci. Il est là, c'est un enfant. J'écris quelque part un testament. J'ai dit, si je ne suis plus là, vous savez, mon héritage, c'est seulement peut-être le big que j'ai. Il dit, le big, si, c'est pour lui. J'ai écrit ça, il laisse dans le cahier. Maintenant, il laisse à Frère David. Frère David dit que tu crois que tu es qui? Comme je ne suis plus là, est-ce que celui-là va savoir? Il commence à utiliser, comme on parle de l'administrateur des biens. Alors, il administre des biens comme ça, ce n'est pas pour lui. Mais celui-ci est le chef du bien, mais il n'est pas conscient. Celui-ci le dirige. C'est lui qui peut choisir quand il lui donne, quand il ne pas lui donner. Mais lorsqu'il atteint la maturité et qu'il comprend qu'il y a un testament qui est pour lui, celui-ci va se prosterner devant lui. Parce qu'il a compris ce qui est pour lui. Or, le jour où il entre en contact avec ce testament, jusqu'à ce qu'il sait que non, c'est en réalité celui qui est le chef. Et qu'il il m'en dit comme ça, celui-ci lui donne 25, non. Les choses changent à partir de ce moment-là. Pas que c'est à partir de ce moment-là qu'il a le testament. Le testament avait toujours été là, avec la même chose que celui qui est le propriétaire. Vous savez, c'est ça? Donc, il entre seulement dans la réalité de la chose en sachant que ça lui a été donné. J'ai dit, ça me dit, je vais développer avec le verset que je vous ai donné. D'accord? Donc, tu as dit que tu avais encore des questions, frère? Oui, frère. Toujours à côté des affaires. Oui. La question n'est pas. Non, poser des questions. Quand je vous dis poser, je n'ai pas dit que poser des questions dans tel domaine. Mm-hmm. Quand vous êtes ici, je dis poser des questions, vous êtes libre de poser n'importe quelle question que vous voulez. Oui. Bon, l'apôtre Paul dit qu'il a été crucifié avec Christ. Oui. Ça, c'est la formation du monde. Oui. Manifestement, oui. Un chrétien se lève, je dis que j'ai été crucifié avec Christ. Oui. Ça, c'est quand il y a compris Tu as de me pousser justement à entrer toujours dans ce verset-ci. Donc, permettez que cette question soit répondue samedi. Donc, comme j'ai donné les versets, là, on va continuer ça samedi, d'accord? C'est là-dedans. Parce que si j'entre dans ce développement, ça ne va pas me laisser. Ça peut nous prendre 3 ou 4 séances. Ces versets que je vous ai donnés. Et là, maintenant, vous allez voir maintenant que ce que je dis ici chaque fois. Je crois que c'est le pasteur à qui il avait dit ça ici. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non, parlons de ça samedi. Posez des questions.